Aïe. Aïe. Hip Hop Soldier. Hip Hop Soldier. Papa les show. Aïe. De Spi Gonzalez. Sa Major Crew. Sa Major Crew. Sa Major Style. Hip Hop Soldier. 93. Et mec, n'oublie pas que mon sang vient d'en bas. Pour mes vrais soldats, faut que je reste toujours sensé contre ces bâtards. L'état, t'es ma mon état. Quand j'ai la rage avec mes alcoolites, on essaie de garder le courage pour s'en sortir. Mais là, c'est 2000, faut que ça tire dans le vide. Je donne tout ce que j'ai dans mes tripes pour du bon son lourd. Je baisse tous les mecs pas lourds qui veulent me salir. T'inquiète, j'ai plein de rimes salées qui vont te pourrir. Alors, abandonne, ouvre les portes si t'es pas taille pour la bataille. Sinon, tu vas souffrir brutalement si je mens. J'ai obligé de te frapper bêtement, tellement j'ai plus de sentiment mal, ça risque d'être infernal. Comme la tour, le but, je le tords. Façon terre-terre, donc cesse tes commentaires, cesse de me dire comment t'es frère, père, commentaire, merde dans ces vides. Dans le beurre, on cherche le contact. Dans la rue, faut trouver le bon cap. Le son sur disque compact est toujours au bac. Leur sa majeure crew jusqu'à l'infini, début du comeback. Yo. Début du comeback, dans le beurre, on cherche le contact. Dans la rue, faut trouver le bon cap. Le son sur disque compact est toujours au bac. Leur sa majeure crew jusqu'à l'infini, début du comeback. Yo. Début du comeback. Je me lève le matin, rien à gratter. Juste une allumette sur sa boîte pour allumer le spliff de la veille, déjà calciné. Fumé, toujours encore fumé. Rien à faire, donc rien à foutre. Les jeunes attisent l'orage en attendant la foudre devant la blanche poudre. La rue est trop de coups de coude, se fondent dans la masse. Comme le business et ses messes basses. Un temps fracassé, donc y'a plus qu'à se casser la tête. Du Chivas à la Zoublovka. En plus dehors ça caille, un froid qui réveillera à mort. Ça sent la mort, une atmosphère hors norme. Où les normes et les limites n'existent plus. Négro ça, ça tue mec. Négro ça, ça tue mec. Tu connais le blaze. Dans le beurre, on cherche le contact. Dans la rue, faut trouver le bon cap. Le son sur disque compact est toujours au bac. Leur sa majeure crew jusqu'à l'infini, début du comeback. Yo. Début du comeback, dans le beurre, on cherche le contact. Dans la rue, faut trouver le bon cap. Le son sur disque compact est toujours au bac. Leur sa majeure crew jusqu'à l'infini, début du comeback. Yo. Début du comeback. Début du comeback. Voilà le message qu'on t'envoie, moi et mon sauce de Spi Gonzalez. Tu peux ressentir de la tristesse des fois dans nos textes. On sent pas les steaks du moment que dans notre life ça rappe sec. Faut faire bellec mec, quand tu nous vois ramène-nous de la boisson et des glaçons. Compi af sec, garde la tech. Aïe, on représente la vie de rue, ça sert à rien de gonfler tes pecs. Si t'as pas encore goûté notre langage de rue, on incite personne. On incite personne. Début du comeback. Dans le beurre, on cherche le contact. Dans la rue, faut trouver le bon cap. Le son sur disque compact est toujours opaque. Leur sa majeure crew jusqu'à l'infini, début du comeback. Yo. Début du comeback, dans le beurre, on cherche le contact. Dans la rue, faut trouver le bon cap. Le son sur disque compact est toujours opaque. Leur sa majeure crew jusqu'à l'infini, début du comeback. Yo. Début du comeback. Début du comeback, sa majeure style. Début du comeback, pour nos familles, mec. Début du comeback. Brah. Début du comeback, leur sa majeur style m'amène. Début du comeback, de Spi Gonzalez, yeah. Début du comeback, début du comeback, yeah. Début du comeback, pour nos familles m'amène. Début du comeback, on représente frère. Début du comeback, dans la vie à la mort. Début du comeback, pour sa majeur. Début du comeback, bra, tous les quartiers de France. Début du comeback, Brah.